Chapitre 25e, le chasseur de microbes. Le hasard joue un grand rôle dans l'amour, mais il n'avait été pour rien dans cette scène d'amoureux au téléphone. Paulin Broquet avait tout machiné, tout préparé. Il avait chargé son lieutenant, Lamorce, de suivre Raoul et de s'assurer que le lendemain de l'entrevue qu'il avait eue avec lui, il était allé, selon sa promesse, demander à déjeuner à son ami André Girardet. Lamorce assura que Raoul pénétrait dans la villa. Il revint à Paris trouver Madame Laurent et lui dire d'aller chercher Riri et de téléphoner à Ville-d'Avray. Toutefois, si Lamorce avait amené Madame Laurent et Riri au téléphone à l'heure voulue et propice, il les avait toutes deux laissées libres de dire à André Girardet ce qu'elles voudraient, d'avoir avec lui la conversation qui leur plairait. La leçon n'était pas faite. C'était donc le sentiment absolu de Riri que Raoul avait entendu exprimer par le téléphone. Presque au même temps, un événement nouveau, d'ailleurs sans conséquences dramatiques cette fois, vint apporter une légère diversion à ses soucis. Alice de Briaille annonça à Raymonde qu'elle venait passer quelques jours à Paris avec son père, lui demandant son concours pour dévaliser les grands magasins et rendre visite aux couturiers et aux modistes. « Ne faites rien sans moi, » télégraphia Irène de Valtour. « Je veux être au pillage de Paris. J'ai besoin moi aussi de m'habiller, de me coiffer, de me rendre présentable. Ici, au fond de la Bretagne, je tourne au sauvage. » On attendit donc Irène de Valtour, et deux jours après, les trois amis, Raymond, Irène, Alice, partaient en campagne. Elles avaient, pour les escorter, les accompagner de leur pillage des couturiers et des grands magasins, deux fidèles cavaliers servants absolument dévoués et esclaves de leur fantaisie, le capitaine de Rennebois et Raoul, et deux autres cavaliers aussi fidèles, mais eux formant ce que le capitaine appelait la réserve de l'active, c'était le capitaine de Casaumont et le docteur Robert. Dans ces manœuvres, il y avait encore un cinquième corps. « Le manchon blanc », disait en se servant d'une périphrase polie, le capitaine de Rennebois. « L'ennemi », déclarait carrément Alice, « l'ennemi qu'il faut dépister, jouer, tromper et vaincre. » Ce manchon blanc, cet ennemi, c'était le comte de Marnay. « Comment a-t-il appris que nous venions ? » fit Alice à ses amis. « Car vous pensez bien que je me suis gardé de le lui faire savoir. Or, le lendemain de notre installation, il venait prendre de mes nouvelles, se mettre à ma disposition pour me conduire où je voudrais. Je l'ai remercié et lui ai fait entendre que je n'avais nullement besoin de son concours. » Mais le comte de Marnay ne parut pas comprendre. Le hasard, très souvent, le mettait sur le chemin de la petite caravane amicale, dans laquelle sa présence jetait un froid, mais aussi... Quelle joie, quand on ne l'avait pas vu de la journée. Le comte de Marnay se rabattait sur celui qu'il appelait chaleureusement son heureux futur cousin. Il lui témoignait d'autant plus d'affection que le capitaine de Casaumont venait d'échapper à un mal aussi terrible que mystérieux. Bien entendu, personne dans l'entourage du malade ne se douta de la piqûre pratiquée par Rennebois et ne devina quel sérum secret Robert avait employé pour arracher à la tombe ce mourant. Le comte de Marnay demanda à son futur cousin quelques détails. Il interrogea également les docteurs civils et les médecins militaires d'Orléans. La marche de la maladie, ses progrès, et enfin la guérison inattendue, semblaient l'intriguer au plus haut point. Mais le capitaine de Casaumont, prévenu, ne dit au cousin de sa fiancée que ce qu'il fallait. Toutefois, il déclina fort poliment l'offre que de Marnay lui fit de reprendre la chambre mise déjà à sa disposition. « Je suis encore malade, » dit-il. « Je serai un hôte trop ennuyeux. » Sur le conseil de ses amis, Robert et Raoul, il descendit au cercle militaire, où d'ailleurs il retrouvait son camarade Rennebois. Du cercle militaire, quand il n'avait pu accompagner la petite caravane dans la journée, il n'avait que quelques pas à faire pour la rejoindre en rue des Mathurins, chez les frères de Raymonde, où tout le monde se retrouvait le soir, pour rentrer dîner chez Madame Montreuil, qui jamais n'invita le comte de Marnay. C'est rue des Mathurins qu'on retrouvait Robert. Le docteur, pris par son hôpital, par les visites à ses malades, était de toute la journée insaisissable. Par contre, Irène de Valtour arrivait le matin de bonne heure chez son amie Raymonde qu'elle ne quittait que le soir, quand les deux capitaines, ses gardes du corps, selon leurs termes, la ramenaient en auto chez son père. Irène de Valtour, plus jeune que Raymonde et Calice, était fort jolie, d'une beauté fine et distinguée, blonde avec de beaux yeux mauves. Elle rappelait Riri. Mais seuls Alice et Raymonde semblaient remarquer sa beauté, apprécier sa grâce et goûter son charme. Quant aux hommes, Ils étaient chacun occupés ailleurs, et leurs yeux, leurs cœurs pris par leur amour, ne s'attardaient nullement sur Irène. Rennebois ne voyait que Raymond, Casaumont Alice, Raoul était tout à rire, et Robert tout à son chagrin, à ses préoccupations scientifiques. Depuis la venue du capitaine de Casaumont, en surplus, il avait repris certaines études qui le préoccupaient fortement. Il se montrait certes prévenant pour Irène comme pour Alice et Raymond, mais il pensait trop à ses études de chimie organique, à ses problèmes de sérum, pour voir combien Irène était jolie, pour remarquer sa blondeur dorée, son sourire, le reflet mauve de ses grands yeux. Il courait après un microbe et pour le moment, il ne découvrait que ce qui se trouvait sous l'oculaire de son microscope. Il ne se douta même pas que plusieurs fois Irène le regarda avec des yeux que ne guidait pas la seule curiosité. Il ne sentit pas que souvent, en lui prenant le bras pour passer dans la salle à manger, sa main trembla. Il ne remarqua pas que quand il parlait, elle pâlissait et que quand elle devait lui répondre, elle devenait rouge et s'embrouillait un peu dans ses phrases. Robert, depuis qu'il avait fait à son frère le sacrifice de son amour pour Riri, gardait fermé son cœur à toute séduction de femme, et ses yeux voyaient la beauté d'Irène sans la comprendre. Robert, ne pouvant aimer Riri, abandonna toute chimère d'amour. Pensant qu'au monde il n'y avait plus pour lui de beauté, il courut après les microbes les plus horribles et mit dans cette chasse scientifique toute l'ardeur, toute la constance d'un cœur qui eût aimé infiniment. Un jour, Raymond surprit Irène, restée seule un moment, qui essayait de cacher ses sanglots, de dissimuler ses larmes dans un coin du salon où elle croyait qu'on ne la découvrirait pas. Raymond doucement vint s'asseoir auprès d'elle. Il plaisait à Raymond de jouer à la maman avec ses amis plus jeunes, et surtout avec Irène qu'à la pension elle appelait tendrement sa petite fille. Elle la prit par le cou, l'attira sur sa poitrine, l'embrassa sur le front. C'est ainsi que l'on peut amener une femme ou un enfant, c'est si peu différent souvent, à faire des confidences, à ouvrir un cœur trop gros, à raconter une peine trop lourde. « Qu'as-tu, ma jolie Irène ?» demanda Raymond. « Rien, rien, je t'assure. » « Oui, mais pourquoi ce chagrin ? Je n'ai pas de chagrin. Alors ? J'avais seulement eu de pleurer un peu. Chacun sa fantaisie. Serre-toi davantage contre moi, là. C'est mieux. Tu vas pouvoir plus sincèrement suivre ton désir. Un peu étrange, mais que je comprends cependant. Car tu n'as aucune raison de pleurer, je gage. Non, aucune. Je suis heureuse ici. Ah, c'est pour ça que tu pleures. Pas pour ça, mais parce que c'est fini. Qu'est-ce qui est fini ? Dans quelques jours, je repartirai, je te quitterai, je quitterai Alice. Tout ce qui s'y me rendait heureuse. Et je rentrerai dans ma triste Bretagne, dans le vieux manoir sombre, glacé, où je meurs d'ennui. Ma pauvre chérie. Je suis seule là-bas des journées entières, des mois, seule, seule. Si tu savais comme c'est lugubre, c'est mortel. Je n'ai plus de goût à rien. Monter à cheval pour aller où? Voir qui? Des arbres, des ajoncs? Faire de la musique pour qui? Les bons hommes des tapisseries. Ah, je suis navrée. Je suis vieille. Je suis perdue. Mais ton père? Mon père s'enfonce de plus en plus dans ses idées noires. Il a pris l'âme de son manoir, sombre, sombre, enfermé. Il s'enferme, ne parle à personne, ne voit personne, ne veut pas recevoir. Mon père m'aime, certes, mais silencieusement, tout à son humeur farouche. Il ne voit pas que j'ai 20 ans, que je voudrais vivre un peu comme les autres. Et que je meurs dans cette prison où il m'enferme avec lui, avec sa tristesse. Mon père a peur du bruit. Il fuit le monde et il s'enfonce de plus en plus dans des soucis dont je ne devine pas la cause, mais dont je supporte le poids pénible. Ma jolie Irène, en effet, ton existence ne doit pas être gaie. Cependant, Raymond, tu sais que j'aime rire, que j'aime chanter, que je suis bien vivante. Là-bas, j'apprends à mourir. Non, ma chérie, non. Si, toi, tu es heureuse. Tu as eu un immense chagrin, oui, c'est vrai, mais tu aimes. Alice aussi a eu ses chagrins, ses deuils, mais son cœur, en aimant, la console. Et moi, qui n'ai plus ma mère, moi, je dois me replier silencieusement entre des murs très hauts, de grosses tours dont personne n'ose approcher. Irène, plus câline, ajouta. Cependant, tu sais, n'est-ce pas, Raymond, que j'ai aussi, comme toi, comme Alice, un petit cœur, bon, qui saurait aussi, comme le vôtre, aimer. Tu sais que j'ai une âme qui serait heureuse de se donner. Oui, et qui tu aimeras sera heureux. Sans doute. J'aimerais tant, j'aimerais si bien, si entièrement, pour jamais, comme toi, comme Alice. Mais voilà. il faut que je dise à mon âme, à mon cœur, « Vous avez 20 ans. C'est l'âge où la fleur d'amour éclose chez les autres jeunes filles, mais vous, pliez-vous, fermez-vous, ce n'est pas pour vous. Votre sort, c'est la solitude, c'est l'abandon. » Vois-tu, Raymond, ça me fait de la peine pour mon âme et mon pauvre cœur. Voilà pourquoi je pleure. Raymond se pencha sur Irène et, l'embrassant, lui dit doucement « Ma chérie, je ne te questionne pas. Je ne te demande rien, car peut-être ne sais-tu pas toi-même quelle réponse faire. Et ne connais-tu pas encore bien le secret que tu voudrais garder ? Je n'ai pas de secret, Raymond. C'est ce que je dis. Eh bien, malgré cela, crois-moi, crois ta petite mère. Il n'est pas de tour si haute, de muraille si épaisse, que la joie d'aimer ne puisse franchir. Et la Bretagne n'est pas si loin. Qu'on y aille trouver la belle dans son château enchanté, crois-moi, tu as 20 ans. Ton printemps s'annonce seulement. Donne le temps à la plante d'amour de germer, de prendre racine. Je te promets, moi, que comme Alice, comme moi, ton petit cœur, ton âme, connaîtront bientôt la radieuse fleur. » Puis, pour ne pas donner à Irène de plus en plus d'explications, elle l'entraîna dans sa chambre, lui bassina les yeux un peu rougis et lui dit « Vite, on nous attend. Embrasse-moi et maintenant souris. Sois heureuse, porte-toi bien. Comme si le docteur Robert était là. » Le docteur Robert, lui, n'était pas là. Il n'était pas non plus en compagnie de ses microbes. Il se trouvait chez Paulin Broquet et avait avec le détective un entretien des plus graves. « En résumé, disait-il, dans l'espace de 3 ans à peine, au château de Briaille, 3 deuils épouvantables, mystérieux, se sont produits. Madame de Briaille est morte la première. Oui, elle était en pleine santé, n'avait aucune affection organique, et tout à coup elle dut s'aliter, fut prise de vomissements horribles, en proie à une fièvre qu'on ne put connaître, mourut dans des douleurs atroces en 3 jours, et entra presque aussitôt en décomposition. À quelle époque cela se produisit-il ? Quelques jours après l'ouverture de la chasse. Qui avait-il au château ? Monsieur de Briaille faisait brillamment l'ouverture, c'était une tradition de famille. Les hôtes étaient, comme toujours, très nombreux. Parmi eux, voici, qui devient grave, se trouvait le comte de la Guérinière. « Je m'en doutais, » fit Paulin Broquet. « Ensuite, c'est le comte de Marnay, qui l'avait fait inviter par le marquis. Bon, ensuite, le second œil, le fils, un garçon solide, vaillant, plein de vie, qui est frappé et meurt, offrant des symptômes rappelant ceux de la maladie de sa mère. Le comte de la Guérinière se trouvait-il là ? Non. Et le comte de Marnay ? Oui. Bon, le troisième cas, une fillette. Empoisonnement aussi, tétanos ? Robert s'écria. Cette fois j'étais là, quand l'enfant mourut. On m'appela trop tard. On ne voulut pas me laisser faire l'autopsie, mais j'ai quand même pu examiner le petit cadavre et emporter des linges qui m'ont permis de faire des analyses, des recherches, et de découvrir la preuve de ce que je soupçonnais. Quel mal ! Robert répondit gravement, le typhus, la peste.